un bédouin est venu à lui et lui a dit, « À quand l'heure ?» Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a poursuivi ses propos. Certains des compagnons ont dit, « Il a entendu ce qu'il a dit, mais ceci lui a déplu. » Et d'autres ont dit, « Mais plutôt, il n'a pas entendu. » Jusqu'à ce qu'il ait terminé ses propos. Et à la fin, il a dit, « Où est celui qui a questionné au sujet de l'or ?» Et celui-ci a dit, « Me voici, ô messager d'Allah. » Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Lorsque le dépôt disparaîtra, attends-toi à l'or. » Et lui a dit, c'est-à-dire le bédouin, « Et comment disparaîtra le dépôt ?» Il a dit, « Lorsque la responsabilité sera confiée à ceux qui n'en sont pas dignes, alors attends-toi alors. » Idhan, faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam lis-sa'il fa idha duyyat al-amanatu فانتظر الساعة فقال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أي إذا أسندت الأمور التي تتعلق بشؤون الدين والدنيا إلى غير أهلها فذلك من علامات الساعة والساعة قريبة من يوم بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الساعة قريبة من ذاك الزمن فقد جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين فقرن بين السبابة والوسطى أي بين بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قيام الساعة من القرب ما بين أسبوعي السبابة والوسطى فبعثته أي صلى الله عليه وسلم علامة من علامة الساعة فكم مضت من القرون ما بين بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويومنا هذا فكأن الساعة على وشك وعلى قرب ولكن الله عز وجل أخفى عن خلقه ويقول الله عز وجل أو قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم والناس يسألونه عن الساعة يقول الله عز وجل فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها وأعلمه الله عز وجل بوظيفته ومهمته فقال الله سبحانه وتعالى إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وأيضا يقول الله عز وجل وأمر الساعة كاللحم البصر أو هو أقرب وأيضا يقول الله عز من قائل ولا تأتيكم إلا بغتة فكل ذلك لتستعد الخليقة بالصالح العمل للقاء الله سبحانه وتعالى ويتم ذلك بالجزاء يوم تقوم الساعة إذن إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فمن كان من غير المسؤولية فيضيعها ويضيع أهلها فيكون فيه الظلم وسوء التصرف فلذا قال فإذا وسدت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة فذلك من علامة قيام الساعة كما أبان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à celui qui l'a questionné, c'est-à-dire le bédouin, il lui a dit: lorsque disparaîtra le dépôt, attends-toi alors. Et le bédouin a dit: et comment disparaîtra le dépôt? Il a dit: lorsque la responsabilité sera confiée à ceux qui n'en sont pas dignes, alors attends-toi alors. Donc, tout ce qui concerne les choses de la religion ou ce qui concerne les choses de la vie d'ici-bas, si elles sont confiées à ceux qui n'en sont pas dignes, donc cela fait partie des signes de la fin des temps. Et l'heure est proche depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, depuis qu'il a reçu le message. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que l'heure est proche, qu'elle arrive depuis l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. A été mentionné dans le Sahih al-Bukhari et dans le Sahih de Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le temps où j'ai été envoyé, où j'ai reçu le message, est l'heure comme ces deux. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a joint l'index et le majeur. C'est-à-dire que le temps entre la venue, la prophétie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et la venue de l'heure, le temps est proche comme l'espace entre l'index et le majeur. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'il a reçu le message, est un signe des signes de la fin des temps. Et combien de siècles se sont écoulés depuis la prophétie, depuis la venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et notre époque? C'est comme si l'heure était imminente. C'est comme si l'heure était proche. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a dissimulé c'est-à-dire la venue de l'heure. Il l'a dissimulé à ses créatures. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est adressé à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens l'ont interrogé au sujet de l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et quelle science as-tu pour leur dire? C'est-à-dire en parlant de l'heure. Et le terme de l'heure n'est connu que d'Allah. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a enseigné le rôle et la tâche du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et simplement, tu n'es qu'un avertisseur qui la redoute, c'est-à-dire l'heure. Et le jour où l'heure viendra, il leur semblera qu'ils n'ont demeuré, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas, qu'ils n'ont demeuré que un soir ou un matin. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un verset, et le cas de l'heure n'est comme qu'un clin d'œil, ou encore plus bref encore. Et aussi dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et l'heure ne leur arrivera que soudainement. Et donc tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dissimulé afin que les créatures se préparent à accomplir des bonnes œuvres pour rencontrer leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette rencontre se déroulera le jour où l'heure se lèvera. Et le jour où l'heure se lèvera, ceci se clôturera par la rétribution. Et donc, lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, إذا وصد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Donc lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et lorsque la responsabilité, elle sera confiée à ceux qui n'en sont pas dignes, attends-toi à l'heure. Donc celui qui n'est pas digne d'être responsable, il va gâcher cette responsabilité. Et il va même nuire aux gens. Et en cela, il y aura une injustice. Il y aura une mauvaise conduite. Et donc, ceci est un des signes de l'arrivée de l'heure, comme l'a mise en évidence le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. ثم ننتقل إلى الباب التالي. Donc, maintenant, on va voir le chapitre suivant. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من رفع صوته بالعلم. قال رحمه الله حدثنا أبو نعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سفرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. Et donc le nouveau chapitre, qui est le troisième. Al-Bukhari, rahimahullah, a dit, chapitre, celui qui élève la voix pour dispenser la science. Et donc, encore une fois, il a cité une chaîne de transmission jusqu'à le compagnon Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, qui a dit, lors d'un voyage que nous avons entrepris en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est attardé et il nous a rattrapés alors que nous étions en train d'accomplir les ablutions. Et le temps de la prière était restreint. C'est-à-dire que pour accomplir la prière, le temps qu'il restait pour accomplir la prière allait être terminé. Alors, nous nous sommes mis à passer les mains mouillées sur nos pieds. Ici, dans le hadith, on a faja'alna namsahu. On va l'expliquer, inshallah, dans quelques instants. Namsahu, c'est le verbe masaha. Et en langue arabe, masaha veut dire donc passer les mains ici, passer les mains mouillées. Mais le sens, c'est laver. On va l'expliquer dans quelques instants, inshallah. Donc, nous nous sommes mis donc à laver nos pieds. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a élevé sa voix en disant, malheur aux chevilles qui seront touchées par le feu. Il l'a répété deux fois ou bien trois fois. Fa yukhadhu min hadha al-hadith mashru'iyyatu raf'i sawti bil-ilm عند الحاجة وعند الأمور المهمة وفي المناسبات التي تستدعي رفع الصوت بالعلم. Et donc, qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? On voit qu'il est légitime, il est légitime d'élever la voix pour dispenser la science lors d'un besoin ou bien de choses importantes ou même pour des occasions qui exigent qu'on doit élever la voix pour dispenser la science. فَهَذَا يَكُونُ لِلْحَاجَةِ الَّتِي تَدْعُوهُ إِلَيْهِ كَوْنُ الناس كثيرون حتى يصل إليهم الصوت حيث يفهمون من المتكلم وإن لم تكون الحاجة التي تدعوه إليه بكون الناس حوله قليلا فلا يرفع صوته أي المسافة أو الذي بينه وبينهم مسافة ليسمعهم. Et donc ceci, c'est-à-dire d'élever la voix pour dispenser la science, c'est pour un besoin qui est nécessaire. Comme par exemple, si autour du cheikh qui dispense la science, il y a beaucoup de monde. Alors, il est bien qu'il élève la voix pour dispenser la science, afin que sa voix porte jusqu'à tous les gens et que tous les gens comprennent ce qu'il va dire. Mais si maintenant, il n'y a pas de besoin nécessaire, comme par exemple, s'il y a autour de lui peu de gens, qu'il y a peu de gens autour de lui, alors il n'est pas convenable d'élever la voix. S'il y a entre lui, donc le shir, et entre ses élèves, une distance qu'il puisse les faire entendre, il n'est pas nécessaire d'élever la voix. وَمَا يُسْتَعْمَلُ الْيَوْمِ بِمُكَبِّرُ فَهَذَا لَشَكَّ وَسِيلَةٌ لِرَفْعِ صَوْتِ بِالْعِلْمِ وَيَكُونُ مَحْمُودًا. Et donc, ce qu'on utilise aujourd'hui comme micro, haut-parleur et autres, et donc en cela, c'est un moyen, sans aucun doute, pour élever la voix, pour dispenser la science. Et ceci est un bienfait. فاليوم عندنا مكبر وقبل ذلك ما كان عندهم مكبر لرفع الصوت حتى إذا كان عند طريقة القدماء نجد عشرة آلاف من الطلبة والشيخ لا يستطيع أن يوصل المعلومات وقد يعيد والآن واليوم والحمد لله عندنا مكبر يسمعه الداني والقاسي بحيث بعده من المتكلم فإذا استطعت من أجل التبليغ والإيضاح وإيصال المعلومات إلى المخاطب وإلى المتعلم فلابد من رفع الصوت فلابد من رفع الصوت لأن الحاجة تقضيها ولا ينبغي رفع الصوت في غير هذا المجال أي العلم يقول الله عز وجل واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وأيضا جاء في مسند الإمام أحمد وفي جامع الترمذي وفي السنن أبي داود وفي صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم على بعض ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة إذن في خفض الصوت ما هو محبوب ورفع الصوت غير محبوب قد يزعج وإلا في مجال أو مقال تعلم مصلحته في الحال أي بمعنى يدرك الإنسان حاجة الناس لسماع ذلك فلا بد من مكبر حتى يسمع ذلك الناس البعيدون. Et donc, aujourd'hui, par la grâce d'Allah, on a des micros, des haut-parleurs. Mais avant, dans les époques précédentes, ils ne possédaient pas de moyens pour pouvoir élever la voix pour dispenser la science. Et on trouvait, parmi les méthodes des anciens, que lorsqu'ils dispensaient la science, certains parmi eux, des chouyours, ils avaient autour d'eux parfois plus de 10 000 étudiants. Et donc, le cheikh ne pouvait pas donc faire parvenir les informations. Et donc, il répétait plusieurs fois ce qu'il disait. Mais aujourd'hui, Alhamdulillah, nous avons donc tous ces moyens qui permettent d'élever la voix. Donc nous avons tous ces moyens qui nous permettent d'élever la voix, que la personne qui soit proche ou que la personne soit lointaine entende. Et maintenant, si, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir clarifier, pour pouvoir faire parvenir des informations aux interlocuteurs et à ceux qui sont venus apprendre, s'il est nécessaire d'élever la voix, alors cela est permis. Ici, la nécessité l'exige. Mais sachez que élever la voix pour autre que dispenser la science, quand cela est nécessaire, cela est un mal. Il ne le convient pas. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Luqman, et sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la voix la plus détestée est bien celle de l'âne. Et de même, il y a un hadith authentique qui est rapporté par Abu Daoud dans son Sunan, par Tirmidhi dans son Jami'a, par Al-Imam Ahmed dans son Musnad et par Ibn Khuzaymah dans son Sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et en vérité, tous vous vous adressez à votre Seigneur, que personne d'entre vous nuit à un autre et que personne d'entre vous n'élève la voix lorsqu'il récite pour nuire les autres. C'est-à-dire, le sens, c'est lorsqu'on se trouve dans la mosquée et qu'on lit, qu'on récite, chacun de nous, dans son coin, la parole d'Allah. Il est interdit de ce hadith d'élever la voix pour nuire son compagnon. Donc si le messager sallallahu alayhi wa sallam a interdit au compagnon d'élever la voix lors d'un acte louable qui est la récitation du Coran, alors que pensez-vous d'élever la voix autre que dans l'adoration? C'est pour cela que baisser la voix et aimer auprès d'Allah. Mais par contre, élever la voix n'est pas aimer, car cela dérange. Sauf si, maintenant, un cas ou une chose invite ou est un intérêt pour la communauté. Comme, par exemple, si l'individu désire expliquer ou si l'individu voit qu'il est nécessaire aux gens qu'ils comprennent ce qu'il va enseigner. Alors, ici, il lui est permis d'élever la voix pour dispenser la science. فَنَرْجِعُ إِلَى الْحَدِيثِ فَعِنْدَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي سَفْرَةٍ سَفَرْنَاهَا فَأَدْرَكْنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّى فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا. Et donc on revient au hadith. Lorsque le compagnon Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, a dit, lors d'un voyage que nous avons entrepris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est attardé. Il nous a rejoints alors que nous étions en train d'accomplir les ablutions. Et le temps de la prière était restreint. Et nous nous sommes mis à passer les mains mouillées, c'est-à-dire à laver nos pieds. Fa hasalat ou hasalat dayqul waqt. Fa rubbama kanu yantadhiruna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Kawnuhu annahu ya'ti. Wa lamma ra'aw annahu ta'akhkhara 'alayhim li yusallu. Fa ja'alu يمسحون أي يغسلون أرجلهم وبعضهم أعقابهم تلوح كما جاء في رواية عند صحيح مسلم لعلهم كانوا مسرعين وأرادوا أن يخلصوا بسرعة min ajli an yubadiru ila salat. Et donc, par rapport à ce qu'on vient de lire, donc, comme on a dit, le temps de la prière était restreint. C'est-à-dire qu'il manquait peu de temps pour pouvoir accomplir la prière. Car la prière allait sortir de son temps. Et donc, les compagnons, quand ils étaient en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils étaient en train d'attendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est attardé pour accomplir la prière, donc ils se sont mis ou ils ont commencé à donc faire les ablutions. Et quand ils sont arrivés à laver leurs pieds, certains donc passaient les mains mouillées, c'est-à-dire qu'ils lavaient, mais le sens, comme l'ont expliqué les gens de science, comme Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, hafidhallahu ta'ala, falmas huna qad yutlaqu على الوضوء الخفيف إذا كان الماء قليل. Donc il faut savoir que lorsqu'on utilise dans la langue arabe le masah ici, donc dans ce hadith, le masah peut signifier l'accomplissement d'ablution, mais d'une manière légère, lorsque l'eau est peu. Lorsque l'eau est peu, ça ne veut pas dire, et on va l'expliquer, inshallah, après, que les compagnons passaient les mains mouillées. Parce que les mains mouillées, lorsqu'on accomplit les ablutions, se passent sur la tête. Mais tous les autres membres, on doit les laver. Et donc, ils étaient en train de laver leurs pieds, mais d'une manière légère. Et il y a une variante qui est rapportée par Muslim dans son Sahih, qui a dit que certains des compagnons, leurs chevilles apparaissaient, c'est-à-dire le sens que l'eau n'avait pas atteint leurs chevilles. Que l'eau n'avait pas atteint leurs chevilles. Et comme ils l'ont expliqué les gens de science, comme Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad, Hafizahullah, il a expliqué, il se peut que les compagnons étaient pressés. Ils étaient pressés et qu'ils voulaient vite terminer d'accomplir les ablutions. Étant donné, on a vu la raison, étant donné que le temps de la prière allait se terminer. إذن فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. Et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu cela, donc la manière comment les compagnons accomplissaient leurs ablutions, il a élevé sa voix et il a dit Waylun, Waylun, comme l'ont défini les gens de science, comme Ibn Kathir, rahimahullah. Al-Wayl, shiddatul azab. C'est quoi Al-Wayl, ici. Ici. Il a d'autres définitions, mais on donne la définition ici. C'est quoi? C'est le châtiment douloureux. Fa'adamu. وصول الماء إليه أو إليها عدم القيام بالواجب وبالمطلوب فكونه أو يكون سببا كونها أي الأعقاب تعذب لِأَنَّهَا حَصَلَتْ فِيهِ الْمُخَالَفَةِ. Et donc, lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit un châtiment douloureux, donc pour les chevilles qui seront touchées par le feu, c'est-à-dire que l'eau, lorsqu'ils ont accompli les ablutions, n'était pas arrivée aux chevilles, qu'ils n'avaient pas lavé leurs chevilles, dû, comme on a dit, à l'empressement, à leur empressement. Et donc, ne pas accomplir ce qui est obligatoire, ne pas accomplir ce qui est demandé, est une raison que ces chevilles seront châtiés par le feu. Car il y a eu en cela une désobéissance à ce que la législation a mentionné, c'est-à-dire d'accomplir les ablutions de manière intègre. فهؤلاء تساهلوا في الطهور واعلموا يكون التساهل في الطهور وعدم العناية به من كبائر الذنوب لأنه ترتب عليه هذا الوعيد الشديد. Et donc, ici, ces gens, ils ont négligé la purification, c'est-à-dire les ablutions. Et sachez que être négligent dans la purification, et de ne point prêter attention dans la purification est un des plus grands péchés. Est un des plus grands péchés. La preuve a découlé de cela la menace d'un châtiment. Lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Waylun lil aqab min al-nar wal ihsan bil a'mal 'umuman wa fi at-taharati khususan wal ihsan fi at-taharati min mujibat ar-rida wa yatarattabu على الإحسان في الطهارة قبول الصلاة إذا أديتها بأركانها وشروطها وواجباتها والعكس يترتب على فساد الطهارة فساد الصلاة لأنها شرط من شروطها فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Et donc, parfaire ou être bienfaisant, c'est-à-dire d'accomplir d'une manière parfaite les actes, entièrement, c'est-à-dire généralement et spécifiquement, ce qui concerne la purification, et être bienfaisant, c'est-à-dire accomplir de manière parfaite la purification, que ce soit la petite ablution, la grande ablution, ou même le tayammum, l'ablution sèche, ceci implique l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Et être bienfaisant dans la purification, c'est-à-dire accomplir de manière intègre, de manière parfaite, la purification, c'est l'acceptation de la prière. Mais bien sûr, si on accomplit la prière en observant les piliers, les conditions, les obligations. Mais contrairement, si ou en découle de mal accomplir ou d'être négligent dans la purification, cela entraîne la non-acceptation de la prière. Et c'est pour cela. Et comme vous le savez, que la purification est une condition parmi les conditions de la prière. Et donc c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné, a dit, comme cela est relaté et rapporté dans le Sahih al-Bukhari wa Muslim, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous, si il est en état d'impureté, jusqu'à ce qu'il accomplisse les ablutions. فَالْعِنَايَةُ بِالطَّهَارَةِ مِنْ عَلَامَةِ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَأَهْلُ الْعِلْمِ هُمْ أَشَدُّ حِرْصًا على تمام الطهارة ومن ثم على تعليم الناس ليحسنوا في طهارتهم ولأهمية شأنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم الطهور شطر الإيمان. Et donc, prêtez attention à la purification et un des signes des gens de la foi. Et les gens de science, ils sont désireux d'être bienveillants, de bien accomplir la purification. Et de même, à enseigner aux gens qu'ils accomplissent de manière parfaite leur purification. Et de l'importance de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith mentionné, rapporté par Muslim dans son sahih, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la purification est la moitié de la foi. فانظروا يترتب على إحسان في الطهارة الأجر الكبير والخير الكثير. Et donc vous voyez que être, que accomplir de manière parfaite, que d'accomplir de manière parfaite la purification, en découle une récompense énorme et un grand bienfait. والإحسان في الطهارة من أسهل الأمور على من وفقه الله للفقه في الدين. Et de même, être bienfaisant, accomplir de manière parfaite la purification, que ce soit les petites ablutions, la grande ablution, les ablutions sèches, est une des choses les plus simples pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait comprendre la religion. فتجده يتوضأ كما يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم فبلغنا ذلك العلم الشرعي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. Et donc celui à qui Allah lui a donné de la science, on le voit qu'il accomplit les ablutions comme a accompli le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné en parole et en acte. Il l'a enseigné, la purification, à ses compagnons, qu'Allah les agrée. Et cette science légitime, elle nous est parvenue par les propos du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et même par les actes du messager, sallallahu alayhi wa sallam. فعندما قال الله عز وجل في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإن كنتم جنبا فطهروا. Et donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Ma'ida, la table servie, ô vous qui avez cru, lorsque vous désirez accomplir la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, et passez vos mains mouillées sur vos têtes, et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes en état d'impureté majeure, alors purifiez-vous. فهذه الآية بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه وتعالى أذن له في البيان وأمره بذلك. Et donc ce verset qu'on a cité, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il l'a mis, il l'a éclairci. Et Allah subhanahu wa ta'ala a permis au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'éclaircir, et même il lui a ordonné. Dans le verset qu'on a cité, on voit que Allah a mentionné de laver les visages et de laver les mains jusqu'aux coudes, de passer les mains mouillées sur la tête et de laver les pieds jusqu'aux chevilles. Walakin ja'ati fi sunnah aw ja'ati sunnatu tubayyinu kayfa natawadda. Mais maintenant la sunna, elle est venue éclaircir, nous clarifier comment nous devons accomplir les ablutions. Wa kullukum ta'lamu dhalik. Et tout le monde, vous connaissez cela. فأولا ننوي ثم نغسل الكفين ثلاثا ثم نتمضمض ونستنشق ثلاثا ونغسل الوجه من منابت الشهر إلى الذقن وغردا إلى فروع الأذنين ونغسل اليدين مع المرفقين ثلاثا ثلاثا ومسح الرأس من مقدمه إلى القفا ثم نرجع إلى المكان الذي بدأنا منه ومنه الأذنان أي يعني في الحكم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود وفي جامع الترمذي أنه قال الأذنان من الرأس ثم نغسل الرجلين إلى الكعبين أي مع الكعبين وهذا أكمل الطهارة من حدث الأصغر فإن توضأت أو نتوضأ مرتين مرتين صح ذلك وإن توضأنا ثلاثا وإن توضأنا واحدة واحدة صح ذلك وإن غسلنا بعض الأعداء مرتين وبعدها ثلاثا كل ذلك صحيح فهذا يدل على يسر هذا الدين وسهولته وسماحته رحمة بهذه الأمة وتيسيرا عليه. Et donc vous connaissez tous la manière d'accomplir les ablutions. Tout d'abord, d'avoir l'intention. Ensuite, de laver trois fois les mains, de laver trois fois les mains. Puis, de se rincer la bouche. Et d'introduire l'eau dans le nez, puis de la rejeter trois fois. Puis, de laver le visage en longueur, de l'implantation capillaire jusqu'au menton et en largeur jusqu'aux oreilles. Ensuite, de laver les mains jusqu'au coude. C'est-à-dire que lorsqu'on lave les bras, ne pas oublier de laver les mains. Comme les savants l'ont expliqué, lorsqu'on commence les ablutions, quand on lave les mains, ici, ceci est une sunna. Mais quand on lave les bras, laver les mains avec les bras est une obligation. Lorsqu'on a cité, on a mentionné le verset, lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit « Ya ayyuhalladhina amanu, idha kumtum ila salati, farsilu ujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq » Donc lorsqu'on a mentionné le verset, lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit « Ô vous qui avez foi, lorsque vous désirez accomplir la prière, lavez vos visages et lavez vos mains jusqu'au coude. » Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a introduit les mains avec les bras. Ceci a été expliqué par de nombreux savants comme Al-Imam al-Shafi'i rahimahullah dans son livre qui s'appelle Al-Umm. C'est un livre de fiqh. Et donc, il ne faut pas oublier que lorsqu'on lave les bras, il faut laver les mains. Ensuite, on passe les mains mouillées sur la tête en partant du devant pour aller jusqu'à la nuque. Et on revient à l'endroit où on a commencé. Et aussi à ne pas oublier les oreilles, car les oreilles, comme a été mentionné par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud dans son Sunan, et aussi par At-Tirmidhi dans son Jami' et aussi par l'imam Ahmed dans son Musnad, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les oreilles font partie de la tête, c'est-à-dire dans le statut. » Et ensuite, on lave les pieds jusqu'aux chevilles, c'est-à-dire on introduit également les chevilles. On lave les chevilles également, trois fois. Et donc ceci, ce qu'on vient de mentionner, c'est la plus complète des purifications pour l'impureté mineure. Et donc si la personne, elle lave ses membres deux fois, quand on a mentionné ici, on a vu trois fois, mais si la personne lave deux fois les membres, ou bien qu'elle lave même qu'une seule fois, tout ceci a été authentifié. Il y a un hadith authentique rapporté par Tabarani dans son Mu'jam. D'après le compagnon Abu Rafi' radiallahu anhu, qui a dit « Kana al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yatawadda'u wahidatan واثنتين واثنتين ثلاثة ثلاثة وكل ذلك يفعل. Et donc il y a un compagnon qui s'appelle Abu Rafi' radiallahu anhu. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il accomplissait les ablutions, il lavait ses membres une fois. Des fois, il les lavait deux fois. Et des fois, il les lavait trois fois. Et il a dit que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, agissait de la sorte. C'est-à-dire qu'il, tantôt une fois, tantôt deux fois et tantôt trois fois. Donc tout cela est légitime. Et même également que si on lave des membres deux fois et d'autres trois fois, c'est-à-dire qu'on change le nombre, cela également est authentique. Ceci est rapporté dans un hadith rapporté par le Bukhari wa Muslim que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il avait lavé ses bras deux fois, pas trois fois, et les autres membres trois fois. Le hadith est authentique, Vous le trouvez dans Sahih al-Bukhari wa Muslim. Et de même, dans le livre Umdatul Ahkam d'Ibn Qudam al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala. Et donc, vous voyez tout cela, donc tout cela, c'est pour montrer, pour indiquer la facilité, la simplicité et l'indulgence de cette religion. Ceci est une miséricorde pour cette communauté et aussi c'est pour faciliter cette communauté. ففي هذا الحديث بيان الواجب هو استيعاب هو استيعاب الأعضاء المقصولة فلم يترك شيئا لم يصل إليها الماء وأنه يجزي إذا استعباه مرة والأفضل والأحسن أن يزيد على ذلك ثلاثا ولا يجوز له أن يتجاوز على الثلاث فلذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدميه لمعة قدر درهم لم يصل إليها الماء وهو قد صلى فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة كما جاء ذلك في سنن أبي داود. Et donc, de ce hadith, on voit, et c'est une clarification pour nous dire qu'il est une obligation, c'est une obligation de laver parfaitement, intégralement, les membres lors de la purification et de ne laisser aucun membre où l'eau ne va pas arriver. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser une partie d'un membre que l'eau ne va pas toucher. Et maintenant, il est authentique, il est juste que si maintenant la personne accomplit ses ablutions en lavant une fois chaque membre, cela est juste, mais à condition. Il faut que l'eau, donc, il faut que l'eau a mouillé donc, toutes les parties du membre qui doit être lavé. Et si maintenant, ou il est préférable plutôt, de accomplir les ablutions en lavant les membres trois fois. Car le messager, sallallahu alayhi wa sallam, le plus souvent, lorsqu'il lavait ses membres, il les lavait trois fois. Donc il est préférable de les laver trois fois, pour plus de sécurité également. Mais maintenant, surtout pas, il ne faut surtout pas dépasser trois fois. Car il n'y a aucun hadith authentique qui mentionne que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lavait les membres lors des ablutions ou de la grande ablution, qu'il dépassait trois fois. Et comme l'a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam, wa khayrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure des voies est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en cela, un hadith a été mentionné, rapporté par Abu Daoud dans son Sunan, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait aperçu, il avait vu un homme qui avait accompli la prière. Il avait accompli la prière. Et il a vu à son pied la taille d'une pièce de monnaie, de dirham, dont cette partie, l'eau n'avait pas touché. C'est-à-dire qu'il avait mal accompli ses ablutions. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a aperçu ainsi, et qu'il a terminé la prière, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a ordonné de recommencer ses ablutions et de recommencer la prière. فَالْمَسْحُ لَا يَجْزِي عَنِ الْغُسْلُ وَهَلْ هُنَا نَتَسَاءَلْ وَهَلْ يَجْزِي الْغُسْلُ عَنِ مَسْحِ الرَّاسِ. Et donc, comme on vient de le voir, que passer les mains mouillées concernant les membres qu'on doit laver ne peut s'accomplir. On n'a pas le droit de remplacer le lavage par essuyer les mains mouillées sur ce membre. Mais maintenant, on se pose une question. Est-ce que laver peut tenir et prendre place de passer les mains mouillées sur la tête? Est-ce qu'on a le droit? Donc, comme on a vu dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wamsahu bi ru'usikum » et passez les mains mouillées sur vos têtes. Est-ce qu'on a le droit maintenant, à la place de passer les mains mouillées sur nos têtes, est-ce qu'on a le droit de laver? « Huna lil ulama qawlani » Ici, il y a deux avis concernant les savants. « Fal qawlu l'awwal yukrahu » Le premier avis, il est ici, donc répréhensible. Il est répréhensible. Ce n'est pas interdit, mais c'est répréhensible. C'est mieux de s'en abstenir. Et le deuxième avis, un groupe de savants l'ont interdit. Limada. فَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَمَا جَاءَ فِي صَحِحَ الْبُخَارِ وَمُسْلِمْ أَنَّهُ قَالْ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ الرَّدْ. Et donc ils se sont argumentés de la parole du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم qui est rapportée par le Bukhari et le Muslim. Lorsque le messager صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui accomplit un acte qui n'est pas de notre ordre, est à rejeter. Walakin, Iza arada ar-raghba an sunna huna fa'amaluhu batil wa huwa ala al-khatar li'anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal man raghiba an sunnati فَلَيْسَ مِنِّي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ فَهُوَ أَرَادَ الرَّغْبَ عَنِ السُّنَّةِ وَشَرَعَ غَيْرَهُ وَشُرِعَ مَسْحُ الرَّأْسِ تَخْفِيفًا عَلَى الْعِبَادِ. Et donc, ici, si une personne, elle délaisse volontairement et elle rejette la sunna, c'est-à-dire de passer les mains mouillées sur la tête, alors cette personne, ce qu'elle a accompli, son acte, est nul. Et cette personne, elle est en danger. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui délaisse volontairement et qui rejette ma sunna ne suit pas ma sunna. Comme l'a expliqué un grand savant, Ash-Shatibi rahimahullah, dans son livre Al-I'tisam, فَمَنْ تَعَمَّدَ عَلَى تَرْكِ سُنَّةِ فهو خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد يخشى أن يكون مبتدعا. Et donc, Al-Shatibi, rahimahullah, qui est un grand savant, qui a composé un livre qui est connu auprès des gens de science, qui s'appelle Al-I'tisam. C'est un livre qu'il a composé sur l'innovation. Et donc, par rapport à ce hadith, ce grand savant a dit, celui qui, donc, délaisse volontairement et qui rejette la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, est sorti de la sunna. Et on craint qu'il soit un innovateur. Comme par exemple, vous voyez le verset qu'on a cité, qu'on a mentionné. Lorsque Allah Azza wa Jalla a dit وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ, et passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds. Il y a une secte du nom des Rawafid que eux, ils ne lavent pas leurs pieds. Ils passent les mains mouillées sur leurs pieds. Et donc, volontairement, et ils ont rejeté pas la sunna, mais la parole d'Allah Azza wa Jal. فنقتفي بهذا القدر وإن شاء الله سنواصل هذا الموضوع الذي يتعلق بالباب الثالث من كتاب العلم للإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأسبوع المقبل. Donc on va se contenter de ce qu'on a vu ce soir. Donc إن شاء الله la semaine prochaine on poursuivra donc ce qui a été mentionné concernant ce chapitre, inshallah. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. أخوكم في الله ويحبكم في الله محمد زهير اللي كان دير إيمان في الإسبان وزيت كنقلب على مسجد بس نصرت في يعني في هذا ومازال ما ساعدش سيدي ربي لأن طلبوا لي الإخوان في كرونوب اللغة الفرنسية في التوصيل في الجمعة شكون ما عنديش اللغة الفرنسية وعندي أولاد في الإسبان عندي ثلاث سنين خمس شهور ديال كتسلي يعني طرز عليا الحمل وشير طرف لقمة عيش وبغيت يعني اخواني الكرام يعني كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خصوص المسؤولين يجب على المرء المسلم ان ينزل الناس منازلهم اطلب يعني عبد المنزل المصروف بس نصيف طول الاجازة الله يجزيكم خير انا سمعت لكم قبل مع الشيخ حامد الدرس انا مضطر ومحتاج الى الدرس وتقطعوا الموقف الله يجزيكم خير يعني ان شاء الله قبل الصلاة ان شاء الله اعلان ان شاء الله Je vais vous